il y a des islamistes qui vont débarquer à Montréal. C'est des prédicateurs islamistes européens qui veulent notamment bannir la mixité, donc la mixité homme-femme, qui considèrent qu'une femme, ça doit raser les murs dans une rue, que c'est un péché de serrer la main à une femme, que si elle refuse de porter le voile, c'est pire que d'avoir le cancer. OK, c'est solidement reculé par le tonnerre, là. Oui, oui, que la télévision, c'est un poison parce que les lectrices de nouvelles, nos lectrices de nouvelles seraient dénudées. Okay. Il y en a qui aimeraient ça, ou il y en a qui ont, ou bénir dans certains cas, on voudrait pas voir ça, mais en tout cas, toujours est-il que c'est leur vision des choses. Il y a même un diplômé de la charia qui est attendu, là, donc la loi islamique fondamentaliste. Et là, tout ça, ça soulève un tollé. Là, le monde dit qu'il faut annuler ça. La ministre Agnès Maltais à Québec, la semaine dernière, a écrit à Ottawa pour leur demander de ne pas faire entrer ces islamistes-là au pays. C'est quoi la bonne façon de procéder? Toi, t'es un libertarien. Normalement, c'est liberté d'expression, puis tu laisses tout le monde s'exprimer. Ouais. Il y a comme deux façons de voir la patente. Soit qu'on dit, ces gens-là, c'est des dangereux, on les veut pas, puis on dit, venez pas ici donner des conférences. Ou encore, venez faire votre conférence, puis nous autres, on va rire de vous autres, puis on va faire une contre-manif où on va s'amuser, puis où les filles vont être en bikini, ou je sais pas, tu sais, pour les faire chier au max. C'est quoi la bonne façon de réagir d'un dossier comme ça? Il y a deux, trois façons de réagir. La première, d'abord, c'est de s'indigner publiquement, puis je pense que ça, on est en train de le faire juste en parlant, toi puis moi. Oui. Ça, je pense que c'est d'abord très important, puis c'est fondamental de renseigner le monde là, que ça va avoir lieu. La deuxième, moi, interdire le monde de rentrer, je veux dire, tu peux pas interdire du monde de rentrer parce que historiquement, ils ont déjà dit des affaires avec lesquelles t'es pas d'accord. Je pense que ça, c'est un peu extrême. Puis je sais qu'il y avait une autre conférence islamiste il y a 2-3 ans, puis ça avait été le même genre de controverse qui avait eu lieu. Et ça devait se tenir à l'Université Concordia. Moi, là où j'en ai, c'est que autant Concordia que là, dans ce cas-ci, le Palais des Congrès, c'est des institutions publiques. Ouais. C'est que nos gouvernements leur prêtent souvent à rabais en plus des choses qu'on paye en tant que contribuables pour que eux autres aient prêché des discours aussi arriérés que ça. Là, j'ai un maudit problème. Puis de voir Agnès Maltais qui écrit à Ottawa pour leur dire « faites-les pas rentrer » alors que son propre gouvernement, ultimement, est imputable d'une décision qui leur a loué une salle. Fait que tu peux pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Mm-hmm. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'Agnès Maltais a pas pris son crayon pis elle a pas écrit aussi à ses fonctionnaires pour lui dire louer le palais des congrès, cette gang de fous-là, c'est pas une bonne idée. Mais ça, c'est un, parce que la dernière fois, c'est ça qui est arrivé, là. L'Université Concordia a annulé la conférence, a dit, nous autres, vous êtes plus bienvenus dans nos murs. On veut pas que vous prêchiez ces valeurs-là dans un espace public qui appartient aux contribuables. Et ils sont allés dans une mosquée à Ville-Saint-Laurent. Ils étaient beaucoup moins nombreux. C'était moins prestigieux. Puis il y a eu beaucoup plus de dénonciations puis de manifestations. J'espère que le même pattern dans ce cas-ci va se reproduire. Il y a déjà des manifestations présentement qui sont en train de s'organiser. Ouais, j'ai compris qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont contre là, les prédicateurs extrémistes, puis qu'eux autres, ils se sont justement sauvés de leur pays pour se sauver d'eux autres, entre autres. Là, exactement, puis je pense que c'est important que ça soit eux les plus bruyants, les plus nombreux à s'exprimer. Mais puis d'ailleurs, par rapport à ça, Denis, par exemple, il y a quelque chose qui m'énerve, puis qui m'excite, et pas qui m'excite, mais qui me perturbe, c'est de voir que ces gens-là font des conférences comme ça, pas à Casablanca, pas à Alger, pas à Riyad en Arabie Saoudite, pas... Non, non, ils font ça à Montréal. Pourquoi? Parce que le monde qui vont assister à la conférence, là, oui, je comprends que les prédicateurs, là, les 3-4 en avant, là, ils viennent de partout dans le monde arabe, là. Mais le monde qui sont dans la salle, qui vont payer pour être là, puis qui vont passer du temps à écouter ça, là, puis à se faire prêcher ça, c'est des Québécois. Ouais. Ça démontre aussi la faillite de notre modèle d'immigration. C'est rendu que ces gens-là deviennent des rock stars à Montréal, puis qu'il y a des gens qui remplissent des salles, puis sont prêts à remplir le palais des congrès ça me fait de peur, jeunes musulmans. Ouais. Moi, je me dis, quelle sorte de maudite loi d'immigration qu'on a? Comment ça se fait que la passoire a laissé passer ça au travers? Là? On était supposé bloquer, nous autres, les islamistes qui veulent rentrer. Pas les aider à rentrer à tonnes jusqu'à temps qu'ils soient capables de se rassembler des milliers, puis c'est rendu plus payant pour des preachers islamistes puis des imams de venir faire ça à Montréal plutôt que de faire ça en Arabie Saoudite. Ça, c'est inquiétant aussi là-dedans. Là. Moi, ce bout-là me fait paniquer. Pis c'est, tant qu'à moi, c'est un témoignage de la faillite de nos politiques d'immigration au Québec. Là. Et j'espère qu'on va être plus nombreux à l'extérieur de la conférence qu'à l'intérieur. Ça pourrait arriver. Là, parce que c'est là, je pense que c'est ça qui va arriver. Là. Mais c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Puis j'espère qu'il va avoir plus de musulmans aussi à l'extérieur qu'à l'intérieur pour démontrer que quand même, au niveau de l'immigration, là, on le dit souvent, puis il faut toujours le préciser, c'est pas tous les musulmans qui sont des islamistes, qui sont des radicaux fanatiques religieux, puis qui veulent porter le voile, puis qui veulent prêcher à charia, puis bon... On le dit, là. Sauf que là, c'est le temps de le prouver. Les musulmans, là, faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils montrent que c'est vrai que ce monde-là les représente pas, puis ça représente une minorité, même chez nous. Et sinon, là, ça va être un méchant fiasco pour l'image, puis pour l'image publique des musulmans en sol québécois, parce que c'est pas les gens qui sont tant qu'à moi qui vont être dans la salle, qui vont assister à ça, là. C'est chacun d'entre eux, là, c'est une preuve d'un échec de nos politiques d'immigration.